Contre le soleil et l'union, les deux chambres de mon sang-camp, les chatouches et les lois, je m'appelle le lutin. Une tour en harmonie à sa trouvette, elle doit lui chercher sa lutte de chaise, c'est un pic et une grotesque chérine, qui ne se t'aime plus. Je fais la peine de carotte, je lui mets mon nez, je me meurs. Au puits de fondage, pas de fondage, la pierre fondale, elle déplace à ta raconte.